Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107 FM. Nous sommes le lundi 8 février 2021, nous sommes en direct, il est 14h passé de quelques minutes, c'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre nouvelle émission intitulée Fréquence Libre. Je rappelle rapidement le principe, il est très simple, chaque lundi, chaque mardi et chaque mercredi, je reçois un ou une invitée pour qu'il ou elle puisse nous parler de ce qu'il ou elle fait, que ce soit au niveau du métier, des passions, etc. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle édition, je reçois un invité qui était déjà venu dans nos studios avec l'IA, Mehdi, pour qu'il puisse nous parler d'un concept qu'il a mis en place plus ou moins récemment, les samedis. Bonjour Mehdi. Salut Chris, salut à tous les auditeurs de Gamozo, ça me fait super plaisir d'être là, merci pour l'invitation. De rien, comment ça va? Ça va super, impeccable, hein. Tout va bien. Et toi? Ça va très bien. Tout d'abord, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, peux-tu te présenter en quelques mots? Alors, je suis un artiste vosgien qui a plusieurs styles. Je fais du hip-hop, un peu de pop, un peu d'électro. Et voilà, j'ai 24 ans, je fais de la musique depuis que j'ai 8 ans. Et voilà. Ok. Donc, comme tu le dis, t'es chanteur, t'es un artiste. Donc, depuis, j'allais te demander depuis combien de temps pratiques-tu la musique, mais tu as déjà répondu. Voilà. J'ai 8 ans, j'ai commencé à 8 ans la musique. Ok. As-tu suivi des cours ou as-tu appris la musique en total autodidacte? Alors, c'est vraiment en autodidacte. J'ai commencé la musique à 8 ans, donc comme je l'ai dit, et en intégrant l'association Jeunesse et Culture qui proposait des ateliers de musique, de rap, et c'est là que j'ai pu m'initier à la MAO, donc à la musique assistée par ordinateur, et aussi au rap et à l'écriture. Mais tout ça en autodidacte. D'accord, ça ne t'a jamais intéressé de prendre des cours de musique, de chant? Non, pas vraiment. J'ai pris quelques cours de chant avec justement l'intervenant du pôle musique de Jeunesse et Culture. Mm-hmm. Mais voilà, moi j'aime vraiment faire les choses par moi-même et ne pas mettre de barrières. Et je trouve que prendre des cours, ça c'est trop scolaire en fait pour moi. D'accord. C'est pour ça que j'aime bien me laisser un maximum de liberté et pouvoir le faire. Voilà. Ok. Donc, en tant que chanteur, tu as déjà plusieurs morceaux à ta discographie, yes. Comme « Ne me quitte pas » ou encore « Paradis » qui est sorti récemment. C'est ça. Comment t'es venue cette passion pour la musique? Est-ce que tu es passionné par la musique depuis toujours? Alors, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui adore la musique et qui adore la variété française, et plus particulièrement les karaokés. Donc du coup, quand j'étais petit, c'est lui qui m'a initié à tous ces genres-là. La variété, la soul, le jazz. Donc voilà, c'est vraiment grâce à lui, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a permis de m'intéresser à ce monde-là. Ok. Donc, en tant qu'artiste, que chanteur, tu as bien sûr une chaîne YouTube. Oui, donc, tout à fait. Mehdi, M-E-H-D-Y. C'est ça. Et tu dis dans ta description, pardon, je cite, « Mehdi, c'est un condensé d'influences musicales diverses, musique urbaine, rap, variété, électro et de pop culture au service d'un message qui se veut réaliste et rassembleur. » C'est ça. Donc, pouvons-nous dire que tu ne te spécialises pas dans un seul registre, que tu trouves ça trop restreint? Non, je déteste qu'on me mette dans une case. D'accord. Je l'ai dit à plusieurs reprises, Mehdi, c'est pas un rappeur, Mehdi, c'est pas seulement un chanteur. Voilà, Mehdi fait un peu de tout. Et j'adore le faire, en fait. J'adore explorer plusieurs univers, plusieurs influences. Et c'est pour ça que j'aime pas qu'on me mette dans une case. Ok. Donc, justement, pourquoi avoir pris cette décision de ne pas te spécialiser dans un seul registre, de ne pas te mettre dans une case? Parce que, justement, j'ai côtoyé pas mal de musiciens qui étaient dans plusieurs styles, et j'ai pu, justement, découvrir plusieurs styles, pratiquer plusieurs styles, et j'ai pas envie de me contenter que d'un, parce que j'adore tout, en fait. Tout. D'accord. Oui, donc pratiquer plusieurs styles, c'est pour te diversifier, du coup, pour ne pas... C'est ça, et pour gagner en originalité aussi. C'est ça, pour pas être restreint, du coup. Voilà. Et c'est surtout parce que j'adore explorer plein de styles différents. C'est vraiment parce que, voilà, j'ai pas envie de faire que du rap, ou que du reggae, ou que de la soul. Et j'ai la chance, je pense, entre guillemets, sans vouloir, en étant modeste, de pouvoir faire un peu ce que je veux, donc je le fais. Ok, nickel. As-tu l'intention, à l'avenir, de pouvoir vivre de ta musique, ou souhaites-tu que la musique reste pour toujours un hobby ou un passe-temps? Alors, j'espère que la musique restera pour toujours un hobby et un passe-temps, premièrement, hein. Mais j'espère bien sûr en vivre et pouvoir faire de ma passion un métier, bien sûr, comme tous les musiciens, je pense, comme tous les passionnés de quoi que ce soit. Ok. Donc justement, tout de suite, allez, je propose que nous, avant de nous plonger justement dans le vif du sujet avec tes samedis, je te propose que nous nous lançons direct dans une première fréquence, comme j'aime à les appeler, dans un premier son, tiré justement de un de tes samedis. Ouais. Ça va être blues moderne. Yes. Et du coup, ben, on se retrouve juste après ce son. Sur Radio Gemozo, vous venez d'écouter Blues Moderne de Mehdi. Nous sommes toujours en direct dans Fréquence Libre. Nous sommes toujours en compagnie de Mehdi, justement. Ça va toujours ? Ça va, super. Donc, venons-en, au vif du sujet, donc à ces samedis. Comment t'es venue cette idée de créer ce concept de samedi ? Alors, j'étais vraiment frustré de rien sortir et en parlant aussi avec mes abonnés, ils étaient aussi frustrés que je ne sorte pas grand-chose. Ok. Donc, du coup, enfin, pas grand-chose. En tout cas, moins que maintenant, et j'avais vraiment envie d'avoir une régularité et de pouvoir envoyer des morceaux et voilà, de me faire plaisir à moi d'abord et de faire plaisir aussi à mes abonnés. D'accord. Donc justement, s'il y a des auditeurs ou des auditrices qui nous écoutent et qui ne te suivraient pas encore, peux-tu expliquer en quoi ce concept de samedi consiste ? Alors, samedi, c'est une musique et un clip. Enfin, en tout cas, une vidéo par semaine, sur des thèmes différents. D'accord. Pourquoi samedi ? Donc, samedi, on l'écrit S-A-M-E-H-D-Y, et parce que ça sort tous les samedis. Donc, c'est la contraction entre samedi, le jour, et samedi, et Mehdi, mon prénom. Donc, okay. Du coup, ça a donné samedi. C'est un petit jeu de mots, voilà, rigolo. Ok, donc, je me suis un petit peu renseigné donc, en préparant mes questions. Yes. Et j'ai vu sur ta chaîne YouTube, justement, que tu as débuté ce concept le 2 janvier dernier, yes, avec ton premier samedi intitulé « Merci ». Depuis, tu en as publié plusieurs autres, donc comme tu dis, un toutes les semaines, ouais, comme par exemple Égoïste, Tous coupables, Cigarette, ou blues moderne ou autre, que blues moderne d'ailleurs que nous venons d'écouter. Voilà. Et tu as également sorti ce week-end, donc ce samedi dernier, ton nouveau samedi Évaporé. C'est ça, Évaporé. Qu'on écoutera un tout petit peu plus tard. Ça marche. Voilà. Donc, as-tu une date d'échéance concernant ce concept ou veux-tu en faire jusqu'à ce que, tout simplement, tu n'aies plus d'idée ou d'inspi? Alors, officieusement, j'ai une petite date en tête. Je me dis que j'aimerais bien le faire sur un an. Ok. Ça paraît peut-être un peu optimiste, mais j'aime bien me mettre des deadlines assez larges. Mm-hmm. Mais après, il n'y a rien d'officiel, donc j'ai rien annoncé, rien du tout, donc on verra bien. Tant que je peux le faire, je continuerai, et si on arrive au bout d'un an, bah, c'est formidable. Ok. Donc, comme tu dis, tu traites plusieurs thèmes, plusieurs sujets dans tes samedis. Comment te viennent tes idées pour tes samedis et dans quoi trouves-tu ton inspiration? Alors, ça peut être tout, n'importe quoi. Ça peut être une discussion avec un pote, ça peut être ce que je vois dans la vie de tous les jours, ça peut être aussi ce que je vois à la télé, ce que je vois sur les réseaux. Voilà, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, mais je tiens vraiment à parler de ce que je connais, okay. de ce que je vis et de ce que je sais. Voilà. Ok. Donc, dans tes samedis, tu traites plusieurs sujets comme le blues et la dépression dans Blues Moderne qu'on vient d'écouter, la tristesse dans Cigarette avec une comédienne, Marine Chapuis. Marine Chapuis, tout à fait, incroyable comédienne. C'est vrai. Et d'autres sujets tout aussi poignants les uns que les autres. Pourquoi as-tu pris la décision de traiter ces sujets? Parce que, comme je t'ai dit, c'est ce que j'ai vu, ce qui m'a marqué dans ma vie de tous les jours. Hein. C'est les choses que j'ai retenues les plus dures et les plus... Voilà, ceux qui m'ont paru les plus importants, en tout cas, à traiter. Mm-hmm. Ceux qui me touchent le plus. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu les traiter. Ok. Tu veux faire passer des messages à travers tes sons? Tout à fait. Un message qui se veut réaliste et rassembleur. Comme tu dis dans ta description de la chaîne. En tant que Lorrain, tu aimes aussi tourner tes clips dans des lieux plutôt connus dans les Vosges et la Lorraine, comme la place de l'Hôtel de Ville et la rue Charles de Gaulle de Remiremont pour ton dernier son, il me semble. Égoïste. Ouais, voilà. Pour Égoïste, ouais. Où tu te balades dans la rue. À Remiremont, ouais. Ou encore la ville d'Épinal pour ton son Ne me quitte pas. Tout à fait. Même si ce titre, bien sûr, il fait pas partie de tes samedis, mais bon, on peut quand même en parler. Bien sûr, mais ça reste aussi des lieux vosgiens que j'ai mis en avant sur ce morceau-là. Donc, donc justement... En choisissant ces lieux, est-ce que c'était pour mettre justement ces lieux en avant? Oui, c'était. Alors, je vais pas te mentir, il y a eu aussi une facilité parce que c'est à côté de chez nous. Et donc, du coup, on a facile à tourner, mais c'est aussi pour mettre en avant notre belle région, mm-hmm. notre beau département qui est les Vosges. Et parce qu'on a aussi des chouettes coins ici, donc pourquoi pas le faire là en fait? C'est. Voilà. C'est vrai. Deux coups. C'est vrai. Parce que dans les Vosges, même en Lorraine, tu as des jolis coins que bien on ne connaît pas forcément. Il y a des coins incroyables dans les Vosges que même les Vosgiens ne connaissent pas. Et oui. Ah oui, moi je connais plein de Vosgiens qui ne connaissent pas par exemple le lac des Corbeaux, qui ne connaissent pas le Haut du Tau, mm-hmm. qui ne connaissent pas voilà, tous ces lieux emblématiques des Vosges qui font que ce département est quand même incroyable. Quoi. Bien sûr. Voilà. Et justement, en montrant ces lieux, est-ce que tu as une certaine envie de faire découvrir aux personnes qui ne connaissent pas forcément la région ces jolis lieux? Bien sûr, c'est le but aussi. Comme j'ai dit, je pense que, entre guillemets, les Vosges sont sous-cotés. Hein. Vraiment, c'est vrai. On a vraiment de belles contrées, de belles choses. Donc voilà, si je peux permettre aussi avec ma musique de faire découvrir nos coins, c'est tout bénef, vraiment. Nickel. Donc, allez, on va se lancer dans une deuxième fréquence, dans un deuxième son, si ça te tente. Ouais. Ouais, ça te tente. Ouais, bien sûr. Allez. Grave. Donc, on va écouter justement ton titre Cigarette, okay. Tiré d'un de tes samedis, pareil, yes. Ou que justement dans le clip entre guillemets. Nous voyons Marine Chapuis. Tout à fait. Donc voilà, on va s'écouter tout de suite Cigarette et on se retrouve comme d'habitude juste après. Let's go. Des cigarettes qui se consument, des yeux mouillés d'amertume, et moi qui appelle à l'air. À quoi bon chercher un fautif, trouver le motif, on saigne quand on s'aime. Et ton corps nu sur le divan, Dieu merci je l'ai vu de mon vivant, et ces mots que tu m'assènes. Qui a dit que l'amour dure 3 ans, on dirait bien que ça fait 100 ans que je t'aime. Et tout est mort à l'intérieur de moi, tu peux très bien m'insulter. À l'intérieur de moi, mais dis-moi toi qui es-tu? Je ne m'en souviens pas. T'as besoin d'air, t'as besoin de respirer. Pourquoi tu restes si tu penses que ça va s'empirer? T'as besoin d'air, t'as besoin de respirer. Ton cœur s'éloigne, je ne te vois même plus dans la fumée. J'aurais tout fait pour tes beaux yeux, pour qu'ils me fixent encore un peu, avant qu'ils n'en regardent un autre. Je n'ai pas voulu perdre à ce jeu, peut-être suis-je un peu trop vieux pour avouer mes fautes. On s'était promis d'aller mieux, on s'imaginait souvent vieux. Notre demeure de fortune pourrait bien nous séparer. On va contre vents et marées au-delà des dunes. Et tout est noir à l'intérieur de moi. Tu peux très bien me frapper, je ne me sentirai pas. Et tout est noir à l'intérieur de moi. Mais dis-moi où vas-tu, je viens avec toi. Tu sais souvent, je ne sais pas pourquoi t'es dans tout. J'ai pourtant tout fait pour qu'on s'aime. Tu me le répètes à chaque ébat. Tu sais souvent, je ne comprends pas pourquoi on se déchire comme ça. J'ai pourtant rien fait pour qu'on s'éloigne. Mais tu aimes te faire du mal. T'as besoin d'air, t'as besoin de respirer. Pourquoi tu restes si tu penses que ça va s'empirer? T'as besoin d'air, t'as besoin de respirer. Ton cœur s'éloigne, je te vois même plus dans la fumée. T'as besoin d'air, de respirer. Pourquoi tu restes si tu penses que ça va s'empirer? T'as besoin d'air, t'as besoin de respirer. Ton cœur s'éloigne, je te vois même plus dans la fumée. Vous êtes de retour sur Radio Yemozo, vous venez d'écouter Cigarette de Mehdi, vous êtes toujours dans Fréquence Libre en direct et nous sommes toujours en compagnie de Mehdi. Ça va toujours ? Ça va super, nickel. Ok, donc, dans plusieurs de tes clips pour les samedis, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu as une comédienne plutôt fétiche entre guillemets. C'est vrai. Marine Chapuis ? Tout à fait, Marine Chapuis qu'on retrouve dans pas mal de clips, on la retrouve dans Ne me quitte pas, on la retrouve dans Cigarette et on la retrouve dans... Dans un autre ou pas? Je sais plus, j'ai un trou. Ah, dans Évaporé, non? Non, pas du tout. Non, c'est pas elle dans Évaporé. Dommage. Mince. Non, c'est pas elle dans Évaporé. Okay. Mais en tout cas, oui, c'est une comédienne qu'on retrouve assez souvent et qui joue super bien. Mm-hmm. Et qui est en total amateur, donc vraiment bravo à elle pour ses performances dans ses différents clips. Ouais, donc comme on disait justement dans la pause musicale, dans Cigarette, donc c'est Marine Chapuis, oui. Et on voit que elle pleure, ouais. Et comme tu m'as dit, c'est des véritables pleurs, c'est pas... Ah, bien sûr, non, c'est des vraies larmes. Elle a le talent de pouvoir pleurer sur commande, je sais pas comment elle fait, mais en tout cas, incroyable. Elle m'a dit qu'elle pensait à des choses très très tristes, mais franchement, bravo à elle, c'est lourd. Donc justement, pourquoi avoir choisi cette comédienne? Est-ce que c'est une amie à toi ou as-tu passé comme un casting? Alors c'est l'amie à mon réalisateur, à Maxime Manchon. Ok. Voilà, donc c'est là que je l'ai rencontrée par son billet. Et du coup, on s'est super bien entendu. Elle aime beaucoup ce que je fais au niveau musical. Et je sais qu'elle aime bien se mettre en avant, qu'elle aime bien tourner. Donc voilà, c'était la bonne occasion pour le faire okay. Pour les samedis. Quoi. Ok. Donc, allez, on va dévoiler un petit peu les coulisses de tes samedis. Hein, on va briser le mythe, entre guillemets. Composes-tu tes sons en une semaine pour nous permettre d'avoir un son par semaine, ou est-ce que c'est des sons qui sont réalisés avant, ou est-ce que tu... Enfin, comment se passe la fabrication de ces sons? La question que tout le monde se pose. Eh oui. Je prends de l'avance. J'aime bien prendre de l'avance quand même, mais okay. Il m'est déjà arrivé sur certains samedis de l'écrire en une semaine. Ça m'est déjà arrivé. Mais je prends le plus d'avance possible parce que sinon je m'en sortirai pas. Vraiment. C'est vraiment compliqué d'écrire, de tourner le clip, de le monter. Enfin, après, c'est pas moi qui le monte, mais en tout cas de le tourner, c'est vraiment chaud de tout faire en une semaine. Donc du coup, je prends de l'avance sur en tout cas les morceaux. Voilà. Donc, juste... Jamais sur les clips par contre. Hein. Jamais sur la vidéo. On prend jamais d'avance sur la vidéo. J'ai la chance d'être avec un réalisateur incroyable qui s'appelle Maxime Manchon, qui me suit partout, qui est avant tout mon pote avant d'être mon réalisateur. et qui fait aussi l'office de directeur artistique et de manager. Ok. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un d'incroyablement talentueux. Et c'est grâce à lui qu'on arrive à faire ce genre de concept. Donc voilà, encore bravo à lui. Ok, donc justement, dans les clips de tes autres chansons, est-ce que tu, dans tes autres sons, est-ce que tu, pareil, c'est des amis à toi, comme dans Blues Moderne ou... Ouais. C'est tous des amis. Blues Moderne, pour l'instant, tous les tournages qu'on a fait, c'est des potes à moi, des connaissances. Okay. On n'a jamais encore recruté quelqu'un, on n'a jamais fait d'appel à candidature pour des figurants ou quoi que ce soit. Là, je préfère prendre ceux qui sont autour de moi, ceux qui croient au projet, avant de vraiment pouvoir proposer à certaines personnes extérieures de le faire. Mais ouais, dans Blues Moderne, il y a l'acteur principal qui est Mathis, Tisma Art sur Instagram et sur Facebook. Il fait aussi de la musique, il fait de la peinture et compagnie, et il a vraiment une bonne gueule, on peut le dire, il est vraiment un beau gosse, donc c'est pour ça qu'on l'a pris, et il joue aussi extrêmement bien, je trouve. Il était présent aussi sur mon clip Encore, voilà, qu'on a tourné à Vanier, donc voilà, incroyable. Ok, donc je vais te poser une autre question, mais tu as déjà un petit peu répondu. Oui. Composes-tu tes sons seul ou es-tu aidé par des ingénieurs du son, des auteurs ou autres? Alors, au niveau des instrumentales, il y a des fois où c'est moi qui les crée, qui les produit, donc qui les compose. Les paroles, c'est moi qui écris tout. Les mélodies, c'est moi qui écris tout aussi. Mais il y a des fois où je prends l'aide de beatmaker pour les instrumentales et pour... que pour les instrumentales, en fait. Mais sinon, tout le reste, c'est moi. Voilà. Ok. Du coup, est-ce qu'on peut, par exemple, t'envoyer un mail ou un message pour te soumettre d'éventuels thèmes à aborder dans tes samedis? Bien sûr, carrément. Vous pouvez m'envoyer ça par sur Instagram, sur Facebook ou par mail. Hein. Mais venez directement sur Instagram en DM. Je suis friand de recevoir vos idées et vos conseils et compagnie. Hein, vraiment. D'ailleurs, je pense que je vais faire un sondage bientôt sur Instagram pour demander aux gens quels thèmes ils voudraient que je traite et puis peut-être en prendre un ou deux pour les samedis. Ok. Donc, comme tu disais tout à l'heure, vous n'avez pas encore fait appel, toi et ton équipe, à d'autres personnes extérieures pour jouer dans tes clips. Mais est-ce que c'est peut-être un projet pour le futur? Oui, je pense. Je pense que au fur et à mesure, de toute façon, que les samedis vont sortir, on aura fait jouer tout le monde autour de nous. Donc, impossible de les remettre dans les clips, ça va être compliqué. Donc, je pense qu'à un moment donné ou à un autre, on va faire intervenir peut-être des abonnés ou peut-être d'autres personnes extérieures, mais en tout cas, à notre équipe. Chris aussi, tu veux? Vas-y. Allez, go, hein, franchement, avec grand plaisir. Ah bah écoute, moi ça me tente. Hein. J'ai le permis, j'ai ma voiture, je peux me rendre sur les lieux. Bah, lourd. Bah écoute, je prends note. Et, vas-y. S'il y a un thème qui me saute à l'esprit avec toi, je... Top. Avec plaisir. Donc, justement, pour dans tes samedis ou même tes sons en général, est-ce que tu as un projet d'album à l'avenir dans lequel tu intégrerais certains de tes samedis avec certains de tes autres sons ou peut-être un EP? Alors, j'ai pour projet de sortir un EP fin 2021. Ok. Donc voilà, après, il n'y a pas encore tout qui est clair pour nous. On verra si on intégrera des sons des samedis ou pas. Il y aura sûrement des inédits, ça c'est clair et net. Ah. Après, on verra. Je sais pas, je me prononce pas pour l'instant là-dessus. On verra bien, on est en cours de réflexion entre nous. Voilà. D'accord. Donc, je te propose que nous nous lancions dans une troisième fréquence. Nous allons écouter un autre de tes sons, un autre de tes samedis, donc le dernier qui est sorti en date ce samedi justement, yes. Évaporé, du coup, et on se retrouve, vous avez l'habitude, juste après. Il y a des milliards de femmes, c'est à toi que je pense, je vois que le mal sur des pistes danser, je te vois partout, ça n'a aucun sens, c'est avec toi que j'aimerais danser. J'ai beau tout fermer, j'ai pas les mots, j'ai tout essayé, mais j'ai pas les mots, j'ai beau t'en parler, mais j'ai pas les mots, j'ai beau tant t'aimer, j'ai pas les mots, j'ai beau tout fermer, j'ai pas les mots, j'ai beau t'en parler, mais j'ai pas les mots, j'ai tout essayé, mais j'ai pas les mots, j'ai beau tant t'aimer, j'ai pas les mots. On a vécu l'enfer et le paradis, on a surmonté la misère et les maladies, entre nous c'est la fusion depuis tout petit, mais ça c'était évaporé. C'est la folie depuis tout petit, mais ça s'est évaporé. Et tu sais, j'ai du mal à croire que je ne pourrai jamais te revoir. Et tu sais, j'ai du mal à penser, à repenser à ta voix. sais, j'ai du mal à croire que je ne pourrai jamais te revoir. Et tu sais, j'ai du mal à penser, à repenser, à avoir sa voix que je pense. Je vois que le mal se redépose de danser. Je te vois partout, ça n'a aucun sens. C'est avec toi que j'aimerais danser. J'ai beau tout faire, mais j'ai pas les mots. J'ai tout essayé, mais j'ai pas les mots. J'ai pourtant pas les mots, j'ai pas les mots. J'ai tout temps. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous venez d'écouter Evaporé, le tout dernier son qui est sorti dans tes samedis. Evaporé de midi, hein. Vous avez l'habitude maintenant avec cette émission. Vous êtes toujours dans Fréquence Libre en direct et nous sommes toujours en compagnie de Mehdi. Toujours là. Ça va toujours ? Ça va toujours, super. Donc justement, là tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur. J'avais dit que c'était Marine Chapuis dans le clip de Evaporé, mais tu m'as corrigé en off. Voilà, c'est ça. Alors dans le clip de Evaporé, c'est Mélodie Stéphane. Ok, bah tu veux nous en parler, nous en dire quelques mots. Bah c'est une pote de très longue date, je la connais depuis peut-être 10 ans. Ok. et voilà, c'est une fille qui passe bien à l'écran et qui joue aussi très bien. Donc voilà, faisons partager les talents locaux qu'on a. Voilà. Ok, bah oui, c'est bien, il faut. Bah oui. Donc pour tes autres sons hors samedi, du coup, oui. Est-ce que tes inspirations ce sont les mêmes que pour tes samedis, justement ? Les inspirations musicales ou au niveau des thèmes un peu de tout. Comme je t'ai dit, oui, de toute façon, tout est basé sur ce que je vis et sur ce que j'entends et compagnie. Donc, ce sera pareil, les mêmes, pas les mêmes thèmes, bien sûr. Bien sûr. On va en aborder d'autres, mais ça va suivre la même ligne directrice, c'est sûr. Ok. Voilà. Donc, tout à l'heure, tu nous as un petit peu parlé de tes inspirations. Yes. Est-ce que justement tu as des chanteurs ou des musiciens qui t'inspirent vraiment ? Bien sûr. Je pense que tout le monde le sait, et même Radio Gemozo doit le savoir parce que je l'avais déjà dit à l'ancienne interview. J'ai un artiste que j'adore qui s'appelle Stromae. Ah oui ? Voilà. C'est vraiment l'un de mes artistes préférés et j'ai été beaucoup influencé par lui. Je sais pas si ça s'entend dans mes musiques ou pas. Un petit peu. Mais voilà, j'adore Stromae, j'adore aussi Lefa. Mm-hmm. Lefa, qui est un rappeur de la section d'assaut, un ancien rappeur de la section d'assaut. J'écoute plein de trucs en vrai, je te jure. Mais si on doit retenir deux choses, c'est peut-être Lefa, Stromae, et puis peut-être un troisième avec Brel. Voilà la chanson française qui m'a influencé vraiment beaucoup, beaucoup. Justement, est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'échanger avec Stromae ou avec Lefa ou pas du tout ? Non, jamais. On a fait la première partie à l'époque. J'avais un groupe qui s'appelait Check Down des Virec. Okay. On a fait la première partie de section d'assaut. Okay. Donc j'ai pu le côtoyer, mais de loin parce que c'était compliqué d'aller les voir et compagnie. Bien sûr. Mais voilà, j'ai eu la chance de faire la première partie de section d'assaut avec mon ancien groupe Check Down des Virec. Et bah yes. Bon, allez, j'ai envie de me faire un petit plaisir. Avant de terminer, je te propose que nous écoutions un de mes sons favoris de toi. Cool. Ne me quitte pas. Yes. Que tu as tourné à Épinal. Ouais. Ou qu'on retrouve une nouvelle fois Marine Chapuis. Encore Marine Chapuis, voilà. Toujours la même. Hein. Toujours. Donc voilà, je me fais un petit kiff et puis on s'écoute ça et on se retrouve juste après. Kiff. À tout. Ma chérie, ne me quitte pas. J'ai pas le moral plus le sommeil. T'es l'un de mes seuls espoirs. Et si la pluie fait de l'ombre, soleil ne me quitte pas. J'ai plus le moral, pas le sommeil, t'es l'un de mes seuls espoirs. J'ai rien à t'offrir à part une oreille attentive. Dis-moi ce que tu veux de moi, j'ai même pas un centime. Et dans ma tête c'est la guerre déjà, un putain d'incendie. Non vraiment dis-moi ce que tu veux de moi, j'ai même pas un centime. Et dans ma tête c'est la guerre déjà, j'ai fait tout ce qu'il fallait en vain. La pluie ne me quitte pas, j'ai tout essayé sans me plaindre. Le noir me va plus tout bien, je le crois, je le croirai demain. Y'a que ça que j'ai peur de bien, dans vos soirées je cesse de faire le pantin. Épargnez-moi vos jeux enfantins, ma chérie ne me quitte pas. J'ai pas le moral, plus le sommeil, t'es l'un de mes seuls espoirs. Et si la pluie fait de l'ombre au soleil, ne me quitte pas. J'ai plus le moral, pas le sommeil, t'es l'un de mes seuls espoirs. J'ai rien à t'offrir à part une oreille à tendir. Dis-moi ce que tu veux de moi, j'ai même pas un centime. Et dans ma tête c'est la guerre déjà, un putain d'incendie. Non vraiment dis-moi ce que tu veux de moi, j'ai même pas un centime. Et dans ma tête c'est la guerre déjà, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Enfin, l'orage ne me quitte pas, j'ai pu me forcer sans me plaindre. Le spleen ne va plus tout bien, je l'aime, je le baillerai demain. J'attendrai qu'il parte à matin, sans le voir je l'oublierai. Enfin, en attendant aime-moi jusqu'à demain. Ma chérie ne me quitte pas. J'ai pas le moral, plus le sommeil, t'es l'un de mes seuls espoirs. Et si la pluie fait de l'ombre au soleil, ne me quitte pas. J'ai plus le moral, pas le sommeil, t'es l'un de mes seuls espoirs. J'ai rien à t'offrir à part une oreille attentive. Dis-moi ce que tu veux de moi, j'ai même pas un centime. Et dans ma tête c'est la guerre déjà, un putain d'incendie. Non vraiment dis-moi ce que tu veux de moi, j'ai même pas un centime. Et dans ma tête c'est la guerre déjà. Ma chérie ne me quitte pas. J'ai pas le moral, plus le sommeil, t'es l'un de mes seuls espoirs. Et si la pluie fait de l'ombre au soleil, ne me quitte pas. J'ai plus le moral, pas le sommeil, t'es l'un de mes seuls espoirs. J'ai rien à t'offrir à part une oreille à tendre. Dis-moi ce que tu veux de moi, j'ai même pas un centime. Et dans ma tête c'est la guerre déjà, un putain d'incendie. Non vraiment dis-moi ce que tu veux de moi, j'ai même pas un centime. Et dans ma tête c'est la guerre déjà. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous venez d'écouter le petit plaisir que j'avais envie de me faire avec Ne me quitte pas de Mehdi. Nous sommes toujours avec Mehdi. Yes. Donc voilà, malheureusement, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Putain, déjà, c'est passé trop vite. Eh bah oui, malheureusement. Donc est-ce que, si, par exemple, si tu avais des conseils à donner à nos auditeurs ou nos auditrices qui aimeraient se lancer dans la musique, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Je leur conseillerais de foncer, de publier sur Instagram, même d'acheter un peu de matériel. Ça coûte pas très cher, pour 100 euros, on peut faire ce qu'on veut. Franchement, donc allez-y, foncez. Foncez, foncez. Ok. Justement, malheureusement, hein, on connaît les vices d'Internet, il y a toujours des mauvaises langues. Oui, bien sûr. Donc, comme toi, je suis sûr que tu as déjà été victime des mauvaises langues. Oui, bien sûr. Après, j'ai la chance d'avoir une bonne communauté et d'être avec des abonnés respectueux et voilà, mais oui, bien sûr, j'ai eu des, entre guillemets, des haters, bien sûr, on les appelle. Donc oui, bah après ça, on passe au-dessus, et puis le plus important, c'est de faire plaisir aux gens qui nous écoutent, et ben voilà. Donc justement, tu n'as pas de conseil particulier pour passer au-dessus, tu les écoutes pas, c'est tout? Tu les écoutes pas, tu fonces, tu gardes ton objectif en tête et tu y vas. Oui, parce qu'il faut savoir que quand tu fais une carrière dans le monde artistique, tu fais les choses pour toi avant que ce soit pour les bien autres. Bien sûr, alors moi c'est comme ça que je le vois, hein. Moi je me fais plaisir d'abord. Bien sûr. Et si ça fait plaisir aux autres, bah je suis le plus heureux en fait. Quoi. Bien sûr. Donc est-ce que tu as un dernier mot à dire pour nos auditeurs avant de nous quitter? Bah écoutez, je suis super ravi comme à chaque fois de venir sur Radio Gemozo. Encore merci beaucoup à Chris, à toute l'équipe de Gemozo, vous faites un taf incroyable. Merci. Merci de faire vivre la culture ici dans nos Vosges, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, merci, j'espère revenir et j'espère que votre émission et votre radio prendra encore plus d'ampleur. En tout cas, moi, je vais en dire du bien tout autour de moi. Ça, ah, il faut, et puis si tu as des contacts qui seraient, pareil, dans le monde artistique, s'ils veulent venir en parler. Avec plaisir, avec plaisir. Je sais que vous aviez reçu Céluge et Léon. Déjà, non? Ouais, mais il me semble que j'étais pas là, moi, encore, à l'époque. Ok, il y a Célugier Léon, il y a Mélodie Gollet, il y a plein d'artistes comme ça dans les Vosges qui sont ouf, hein. Qui, voilà, mais je te dirai là, en dehors de l'antenne, mais... Bien sûr. Mais franchement, c'est... Il y a plein de gens dans les coins qui veulent le coup et qui peuvent être invités ici, ouais. Ok, ça marche. Donc, du coup, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Une nouvelle fois, merci Mehdi d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous avant tout. Là, je vous laisse avec Gérard et Salut les 60 d'ici quelques minutes à 16h. Cette émission sera rediffusée demain, mardi, à 18h. Merci de votre fidélité à Radio Gémozo. Et bien sûr, je vous dis à très bientôt. Salut.